Michel Zerbib reçoit ce matin Isabelle Kersimon, journaliste et écrivain, auteur d'une enquête sur l'islamophobie. Islamophobie contre enquête. Isabelle Kersimon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Philippe le disait à l'instant, vous êtes journaliste, écrivain, enquêtrice. D'ailleurs, on entend beaucoup parler de ce mot islamophobie, de la réalité qu'il recouvre. Ça, c'est beaucoup plus difficile, mais vous avez enquêté d'ailleurs sur cette islamophobie. Ça s'appelle la contre-enquête aux éditions Plein Jour. On entend toujours l'islamophobie, rejet total, discriminant, violent de l'islam et des musulmans, qui ne cesserait à entendre certains de croître dans la société française. Alors c'est un livre qui, d'ailleurs, pour lequel on vous avait reçu, qui essayait de un petit peu de décrypter ce qui se passait derrière ce mot. Alors évidemment que le racisme, vous n'allez pas nous démentir, le racisme contre les musulmans, racisme anti-arabe existe aussi dans la société française. Mais l'islamophobie telle qu'il est utilisé par certains, c'est autre chose. Oui, absolument. Il faut bien avoir en tête que l'islamophobie, ce terme-là, c'est un terme qui est utilisé par l'islam politique. C'est un terme qui a été repris depuis une vieille histoire. Il avait disparu totalement dans le débat. C'est un terme inventé par les administrateurs coloniaux français. Et pendant des décennies, on n'entend plus parler de cela. Cela revient sur la scène grâce à Tariq Ramadan, vers 98-99, via Alain Grèche et le monde diplomatique. C'est un terme de l'islam politique, précisément des frères musulmans, qui sert à désigner tous ceux qui ne sont pas d'accord avec leur vision de l'islam. C'est un terme qui est fait pour museler la liberté d'expression, pour censurer les personnes, oui. Désigner les cibles. On sait qu'il a tué en 2015. Ouais, c'est ça l'islamophobie, en tous les cas l'utilisation politique, vous le dites, emmenée, disons, par une figure maintenant très connue, Tariq Ramadan, sont un peu des ruses aussi, on peut dire, politiques de l'islamisme contemporain, toujours associé d'ailleurs à une forme d'antisémitisme, on va y venir dans quelques instants. Alors prenons, pour qu'on comprenne mieux, Isabelle Kersimon, parce que ces affaires d'islamophobie existent aussi sur le paysage audiovisuel. Alors beaucoup de nos auditeurs ont dû sans doute regarder cette émission, qui est d'ailleurs une très bonne émission, Parole et des actes, emmenée par d'habitude l'excellent David Pujadas, une femme présentée comme une professeure de collège apolitique, hein, je cite, dissimule mal en fait à ce moment-là son antisémitisme face à Alain Finkielkraut. Vérification faite, en fait, c'est une militante active du Parti des indigènes de la République, ce qui, Isabelle Kersimon, est loin d'être quelque chose d'apolitique et de neutre. Oui, elle fait partie d'un mouvement qui est proche du Parti des indigènes de la République, emmené notamment par la passionnariat médiatique Ouria Boutelja, qu'on a vu sur les plateaux et entendu pendant de nombreuses années, à croire que Ouria va céder la place. En effet, cette personne n'est absolument pas une musulmane anodine, n'est pas une simple professeure d'anglais. D'abord, on se demande pourquoi on présente une musulmane, confessionnaliser les gens de la sorte, ça aussi c'est nouveau sur un plateau. Elle parle en tant que musulmane, mais au nom de qui parle-t-elle? Elle a choqué énormément de musulmans et de musulmanes qui n'ont pas supporté et qui ne supportent pas d'être représentée, entre guillemets, médiatiquement par des personnes comme elle. Ouais, donc présentée comme une apolitique, en fait, elle est là pour diffuser un message. Alors ça pose un double problème. D'abord, évidemment, l'existence de ce mouvement, même ces groupuscules, mais quand même très agissant. Mais c'est la télévision française, hein, télévision publique, qui peut laisser à l'antenne pendant plusieurs minutes une femme débiter des choses extrêmement violentes et des insinuations très dures à l'endroit de, notamment, d'Alain Finkielkraut. Mais en tout cas, elle a déroulé ce que racontent les indigènes depuis des années, et la haine à l'encontre d'Alain Finkielkraut est présente depuis des années. Il suffit de fréquenter un petit peu Internet pour s'en apercevoir. Des discours contre lui extrêmement violents, parce qu'il représente la quintessence du juif. Et cette fois, pas le juif imaginaire, comme il l'avait écrit il y a quelques années. Et cet antisémitisme se répand impunément partout, et il est venu se répandre en effet jusque sur le plateau de France. Comment vous l'expliquez, vous, Isabelle Kersimon? C'est une faute, une erreur, une faute professionnelle de France 2, de sa rédaction, ou c'est carrément une idée de faire un petit peu de politique information spectacle? Il y a trois choses différentes. Il y a en effet l'information spectacle, le buzz, ce que j'écrivais dans un article paru hier dans Figaro Vox, la société du spectacle, dans ce qu'elle a de pire. dans l'anéantissement de la démocratie, de l'intelligence et du débat. Il y a aussi le fait de savoir, il faudrait savoir qui a fait venir, qui a donné les coordonnées de cette personne à l'équipe pour qu'elle atterrisse sur le plateau. Ça, ce serait très intéressant. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, a diffusé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, peut-être 2-3 mois, une liste de musulmans, entre guillemets, qu'il faudrait inviter sur les plateaux à la place d'autres musulmans. Lorsqu'on évoque ces sujets, il ne faut pas donner l'impression ici, hein, loin s'en faut, qu'il y aurait une sorte de compétition victimaire, que l'antisémitisme serait plus grave que le racisme contre les musulmans. On n'est pas sur cette question, c'est l'utilisation justement du terme islamophobie. On va reprendre un autre exemple, on peut dire... télévisuel, ça s'est passé sur Canal Plus dimanche dernier. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, se trouve face à un musulman normal, je cite, comme il a été présenté cette fois, tellement normal qu'il ne condamne pas les tueurs de Daesh, de l'État islamique, devant une ministre française de l'Éducation qui ne dit mot. Comment vous l'analysez ? Oui, alors de la même façon, il faudrait savoir qui a fait venir Baraka City, parce que cette personne, c'est le président de l'association Baraka City qui a quand même été perquisitionné plusieurs fois, qui est une association pour le moins étrange, 16 millions d'euros en 3 ans, implantée dans plus de 20 pays, et dont le compte, d'ailleurs le compte Twitter de ce monsieur a été supprimé tardivement hier soir. Qui les a fait venir, ça c'est une bonne question. La ministre était sidérée, elle avait l'air hypnotisée, sous sidération. Elle s'en est expliquée hier sur les réseaux sociaux. Elle a quand même justifié sa non-réaction. Je trouve que c'est un peu, sa réponse est un peu légère. Oui. Sa réponse est un peu légère. Vous dites qu'elle avait une occasion peut-être de mettre les pendules à l'heure vis-à-vis de ces islamistes intégristes qui font finalement de l'entrisme, on voit bien, à la télévision. Oui, absolument. Alors, ils font de l'entrisme, mais je vous le disais, récemment, le collectif contre l'islamophobie en France a fait partout une grosse pub sur les réseaux en s'adressant directement aux journalistes et en leur disant qu'il fallait utiliser une liste de musulmans normaux. Ils ne disaient pas musulmans normaux, mais une liste de musulmans, tout en développant un discours selon lequel il fallait qu'ils, eux, ces musulmans-là, ces gens de l'islam politique, se présentent comme normaux. Donc, il n'est pas très difficile de faire le lien. Je pense que des confrères, se retrouvent dans cette forme d'intimidation et de sidération qui a pris la ministre de l'Éducation nationale, qui aurait dû, à ce moment-là, exiger la condamnation de la bouche de cet homme des atrocités commises par l'État islamique, et qui aurait dû aussi lui rappeler qu'en France, eh bien, il y a l'égalité homme-femme et qu'il n'y a pas le choix, qu'il ne s'agit pas d'un choix à opérer. La dernière question avec vous, Isabelle Kersimon. On a beaucoup parlé de cette polémique avec l'Observatoire de la laïcité, emmené par Jean-Louis Bianco, un ancien ministre d'ailleurs sous François Mitterrand, qui a été mis en cause directement par le Premier ministre Manuel Valls. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre a raison ? Oui, et je pense que ce n'est pas Monsieur Bianco en tant que tel qui est mis en cause par le Premier ministre, mais ce qui se passe au sein de l'Observatoire national de la laïcité, qui vit une fracture importante depuis les attentats de Charlie, depuis le 15 janvier, puisqu'on a d'un côté une vision de la laïcité portée... la laïcité est la même pour tous. Hein. C'est-à-dire qu'au sein de l'Observatoire national de la laïcité, tout le monde est très au clair sur ce que c'est que la laïcité, comment elle se pratique en France, quelle est la loi, quelles sont les valeurs, quel est ce socle. Mais ce sont les partenaires avec lesquels ils travaillent, c'est ça, où ils discutent. Il y a des façons d'en parler, et puis c'est surtout le fait d'avoir signé une tribune avec, en effet, des frères musulmans, donc ces personnes de l'islam politique dont nous parlons depuis tout à l'heure. C'est très grave. Mais ce n'est pas M. Bianco en tant que lui-même. Ouais. Les pratiques de l'Observatoire ont déjà été mises en question par la sénatrice Laborne, par le député Glavany et par Patrick Kiesel, 3 éminents membres de l'Observatoire même. La laïcité, il faut la défendre, j'imagine, en France, avec toutes ces attaques, et qui sont associées aussi à un climat, il faut bien le dire, de terrorisme, et le bras armé parfois du terrorisme, c'est aussi ces propagandes-là, même si le raccourci peut être un peu rapide, mais c'était important. Non, le raccourci n'est pas rapide du tout, puisque vous savez, les frères musulmans, une partie d'entre eux, historiquement, s'occupent de propagande d'entrisme politique via des œuvres de charité, notamment... comme cette association Baraka City le fait, Et puis il y a une autre partie qui est le djihad, mais il s'agit bien des mêmes personnes, il s'agit bien de la même idéologie. Donc c'est bien la propagande bras armés qui s'insinue aussi dans les médias, il va falloir continuer à observer ça de près, comme vous le faites d'ailleurs Isabelle Kersimon, et votre livre s'appelle d'ailleurs « Islamophobie, la contre-enquête » aux éditions Plein Jour. Merci d'avoir été notre invitée sur Radio J. Merci.